Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui le marché immobilier dans le Grand Nancy. Alors bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Après l'euphorie de la période post-Covid, le marché donc immobilier a connu un net ralentissement ces deux dernières années avec un espoir de reprise pour 2025. Alors quelles sont les tendances du marché immobilier du Grand Nancy? Quelles sont les caractéristiques du marché immobilier? Quel est le profil donc des acheteurs et des vendeurs? Autant de questions que je vais poser à notre invité Romain Bichotte, agent immobilier qui dirige sur Nancy l'agence 147. Bonjour Romain Bichotte. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jérôme, merci de l'invitation. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant donc d'aborder les grandes tendances du marché immobilier sur le Grand Nancy, alors je voudrais un petit peu connaître et revenir sur votre parcours. Mon parcours il est assez simple. Il y a eu beaucoup d'immobilier, que de l'immobilier quasiment. À la sortie de mon bac, je suis tout de suite venu dans la branche de l'immobilier en 2012, de 2012 à 2014, un BTS profession immobilière en alternance à l'AXOU, au lycée Georges de la Tour, qui m'a permis de vraiment approfondir et du moins commencer à connaître en plus en détail ce fameux monde de l'immobilier. Et ensuite, en 2014, à la sortie de mon BTS que j'ai obtenu avec succès, agent commercial chez Orpi, à Nancy déjà. Et je n'ai pas quitté Orpi jusqu'en 2017 où j'ai ouvert mon agence immobilière, ma première agence rue de la Citadelle. Parce que c'est l'avantage du BTS des professions immobilières, c'est de permettre d'accéder à la carte professionnelle, c'est ça? Oui, exactement. Avec ce fameux BTS professions immobilières, on peut avoir la carte professionnelle de transaction, gestion d'administrateur de biens qu'on verra un peu plus tard. Et bon, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense tout de suite en sortant du BTS, mais en tout cas, c'est un vrai avantage à la sortie de ces études-là. Alors, dans votre profession, je suppose que la routine n'est pas de mise. Hein. Chaque jour apporte son lot de surprises. Alors, ce qui doit rendre votre métier assez passionnant. Et avec le recul, alors après vos 11 années, je crois, d'expérience, pouvez-vous me citer un petit peu votre plus beau souvenir professionnel? Alors, très compliqué de citer un souvenir en particulier, parce que c'est vrai que c'est un vrai leitmotiv pour moi chaque jour, c'est que tous les projets sont beaux, tous les projets sont même différents sur chaque client, que ce soit des clients vendeurs ou même que ce soit des clients, on le verra aussi un peu plus tard, il me semble, sur de la partie de gestion. Mais en tout cas, on va dire que le gros projet qui a été pour moi, c'était un vrai aboutissement, la création de ma propre agence, si je puis dire, parce que c'est assez lourd aussi, de conséquences joyeuses et aussi dans la difficulté d'un chef d'entreprise. Mais voilà, vraiment la création de mon entreprise qui a été un vrai beau souvenir professionnel. Bah surtout que ce n'est pas la majorité des étudiants qui sortent de cette formation qui créent leur agence. Oui, je me doute. Ouais, c'est vrai que sur notre génération, on n'était pas énormément à vouloir même poursuivre dans ce métier. Oui, c'est une réelle prise de risque. Complètement, une prise de risque financière, une prise de risque de tous les jours, et parce qu'on est aussi jeune, effectivement. Ouais. J'étais assez jeune quand j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma propre agence immobilière, mais en faisant bien les choses et en mettant vraiment beaucoup d'envie et d'énergie, tout est possible. Alors, est-ce que vous avez un mauvais souvenir professionnel? Bon, si je dois en dire un qui est le plus proche, j'ai envie de dire que c'est la période Covid qu'on a tous connue. Donc là, moi, je l'ai connu effectivement en tant que chef d'entreprise où il fallait gérer, parce que j'ai des collaborateurs et gérer cette partie, on va dire, collaborateur. Et puis un peu le tout venant et le flux qu'on a chaque jour, les clients qu'on avait en cours qui ont été... ça a été très compliqué à devoir gérer au sein de l'entreprise, ouais. Oui, heureusement que c'est un lointain mauvais souvenir. On est bien d'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre métier, notamment de transactionnaire, c'est que vous gérez un portefeuille avec un grand nombre de biens à vendre. Et je suppose que vous avez quand même des biens assez originaux, attractifs, non? Oui, complètement. On a, c'est un peu aussi le lot de tous les jours. C'est super intéressant. C'est qu'on ne voit pas du tout la même chose. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis allé voir une petite maison de village où il n'y avait pas de chauffage central, où on était vraiment sur quelque chose d'assez typique et assez rude. Et en dehors de ça, j'ai là actuellement en vente une très très belle maison rue Ermite à Nancy, où on va s'approcher des 2 millions d'euros. Donc des biens très particuliers, très très sympas. Mais oui, en effet, effectivement, très très diversifié. Alors comment vous êtes venu cette idée de créer une agence immobilière ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question d'opportunité. Moi, quand je suis sorti des études de ce fameux BTS, où on est assez jeune, comme on disait, c'est pas forcément la première envie, parce qu'on navigue à vue, il faut créer une entreprise et autres. Et après, au fur et à mesure du temps, quand on voit que notre métier, on le fait plutôt bien, qu'on a des bons retours, parce que c'est avant tout une satisfaction client, on se dit pourquoi pas, on commence à étudier. Et ça a été pour moi, à l'époque, quand j'étais chez Orpi, de trouver une vraie opportunité avec quelqu'un d'ouvrir notre agence, et ça a été chose faite en 2017. Et donc l'agence, donc 147, qui est donc implantée. Exactement, aujourd'hui on est implanté en vieille ville rue de la Citadelle. Et on a aussi une deuxième agence qui est actuellement rue Saint-Dizier. Pas très loin des locaux de Radio Fadjet. Exactement, deux portes à côté. Alors dans ces agences, vous avez donc deux casquettes, hein, celui d'agent immobilier, mais aussi celui d'administrateur de biens. Alors on connaît un peu moins ce deuxième métier, on va surtout se concentrer nous sur la transaction tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le travail au quotidien d'un administrateur de biens ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est aussi administrateur de biens, l'agence 147. Donc l'administrateur de biens, c'est une tierce personne, donc nous-mêmes, le professionnel, qui allons administrer et gérer un bien immobilier pour le compte d'un client. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la mise en location du bien. Une fois que le bien a été loué, qu'on a fait toutes les parties administratives, nous allons nous occuper au quotidien de l'encaissement des loyers, des décaissements des loyers, et aussi forcément un petit peu de problèmes au cours d'une location, un évier bouché, un WC qui vient à fuir ou autre. C'est nous qui allons gérer tout ça pour le compte de notre propriétaire, qui fait de nous du coup des administrateurs de biens. Très bien. Donc là aussi, un métier diversifié qui suppose des connaissances juridiques, techniques, fiscales. Oui, bien sûr, complètement. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, parce que cette partie un gestionnaire immobilier, un gestionnaire de parc locatif, c'est très varié. Il faut avoir effectivement des compétences en comptabilité, en compétences fiscales, des compétences en droit aussi, parce qu'on a des fois des demandes à faire en termes d'une copropriété ou autre. Et on a aussi des connaissances en bâtiment, parce que tout ce qui va être des travaux et autres, quand on a des problèmes à devoir gérer sur un appartement, il faut savoir si une canalisation passe par là, et si c'est une bonne canalisation pour un WC ou pas, où il y a beaucoup d'éléments qui sont importants sur ça. Et qui vous confie les biens gérés, c'est plutôt des petits propriétaires ou des... C'est assez divers. Dans notre portefeuille actuellement, on a un peu plus de 300 lots. Et aujourd'hui, on a aussi bien du propriétaire qui sont en monopropriété, donc sur un immeuble avec une dizaine de logements, que du petit propriétaire, effectivement, d'un studio de 20 mètres carrés, un Nancy bien placé. C'est assez divers. Hein. On n'a pas qu'un type de lot bien précis. Très bien. Alors donc, on va revenir sur le marché de la transaction immobilière. Alors avant de présenter quelles sont actuellement les grandes tendances du marché immobilier, pouvez-vous un petit peu nous décrire le parc de logements sur Nancy, et notamment, est-ce que ce sont davantage des maisons, des appartements qui dominent le marché ? Alors sur Nancy, on a énormément, enfin la principauté, on va dire, des biens qui sont sur le parc sont des appartements. On a très très peu de maisons, forcément on le voit bien au niveau architectural sur Nancy, qui sont assez plutôt en plus en résidence principale, pardon, mais vraiment beaucoup plus d'appartements. Moi j'avais vu des statistiques, effectivement près de 90% des biens immobiliers sont des appartements, alors que la tendance nationale, c'est plutôt des maisons. Ouais, je crois que c'est 55% je crois, de maisons et 45% d'appartements. À Nancy, c'est vraiment l'inverse. Exactement, on a vraiment une grosse proportion d'appartements sur Nancy. Ouais, tout à fait. Comme vous le disiez, très peu de résidences secondaires sur Nancy. C'est pas... Ce qui semble assez, assez logique, effectivement. Très, très peu de résidences secondaires que de la résidence principale. Et je crois qu'il y a aussi un certain nombre de logements vacants, bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors, est-ce que vous avez une explication ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications, surtout avec dans l'air du temps, avec ce fameux DPE qui encore. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc c'est les petites lettres qu'on voit un peu partout. Même aujourd'hui, quand on achète un réfrigérateur, on voit qu'il y a des lettres économiques. Et qui classent les logements en fonction de leur performance énergétique. C'est ça, tout à fait. Et je pense que cette partie de logements vacants va encore augmenter, parce que les règles sont assez drastiques. Donc ça peut s'expliquer un peu par ça. Ça s'explique aussi beaucoup par des choix de propriétaires qui ne font pas forcément forcément de travaux, qui n'ont pas forcément envie de louer leur appartement. Et on a aussi eu ces dernières années beaucoup de constructions de logements neufs à Nancy qui n'ont pas été forcément honorées, et on a une un peu plus faible demande au niveau de ces appartements-là, avec cette ville étudiante où on a beaucoup de locataires aussi qui partent sur la période estivale, qui potentiellement sur les statistiques peuvent un petit peu entrer en jeu. Bien, on va faire donc une première pause musicale avant de découvrir justement les grandes tendances donc du marché immobilier sur le Grand Nancy. Alors l'occasion de montrer qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie de notre invité, et l'occasion de découvrir ses coups de cœur musicaux. Alors Romain Bichotte, quel a été votre premier choix ? Mon premier choix, ça a été en l'honneur, on va dire, à mes origines portugaises, donc Maria Joan de Nuno Ribeiro et Kalema. Ben, c'est une vraie découverte pour moi. Merci. On écoute tout de suite votre premier coup de cœur musical. Direto a Lisboa, atrás de sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do ano, não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre. Mas todo filho um dia voa. Saudade, saudade. Mamã, cuida dela por mim. Diz-me por que não estás aqui. Maria, sem ti fico à toa. Saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. Mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Très sympa ce premier coup de cœur. Ah, fini. Subtilité. Ah, subtilité. Alors très sympa ce petit premier coup de cœur musical. Vous me rappelez le nom des interprètes ? Eh bien, bien sûr. Donc le titre, c'est Maria Joan de Nuno Ribeiro, Kalema et Marisa. Très très bien. Bah, merci pour ce premier coup de cœur musical. Vous écoutez Fetchette. Oui, vous êtes bien sûr Radio Fadjet, vous écoutez l'Instant Écho et nous accueillons donc pour ce mois-ci donc Romain Bichotte qui est agent immobilier sur Nancy pour nous parler donc du marché immobilier. Alors donc dans la première partie nous avons un petit peu évoqué un petit peu l'histoire donc de votre cursus donc et puis aussi les principales caractéristiques donc du marché immobilier. On va passer maintenant aux tendances. Alors tout d'abord comment donc ont évolué donc les transactions donc sur Nancy ces derniers mois, toujours orientées à la baisse? Oui, dernier mois, même dernières années, si, pour faire un petit rappel assez rapide, 2023 a été vraiment une tendance assez baissière, en tout cas nous en interne. Sur 2024, on a connu un petit regain, mais disons que c'était un peu plus lisse, on avait un peu plus de clients qui quand même étaient sur le marché. Ça a été deux années assez difficiles, là en tout cas sur ces mois qui arrivent, j'ai l'impression que ça devrait un petit peu aller mieux, en tout cas ça se détend un petit peu sur le marché, on va dire, financier. Surtout, c'était surtout ça qui bloquait beaucoup ces derniers temps. Mmh. Mais il faut dire que ce n'est pas une tendance uniquement constatée sur Nancy. Hein. Au niveau national, les ventes ont chuté de près de 30% hein, entre le plus haut avant Covid, et, après Covid plutôt, et puis 2024. Oui, complètement. Il y a eu vraiment sur tout le territoire. Nous, on le voit bien aussi avec les chiffres de la FNAIM que ça a été deux années assez difficiles sur le territoire national. Et je suppose que cette tendance se retrouve également sur les autres communes du Grand Nancy, ou est-ce que certaines villes, communes tirent-elles leur épingle? Bon, historiquement, on a toujours quelques villes qui sont, on va dire, limitrophes à Nancy, qui sont très très proches, donc comme Domartemont, Saint-Max, même sur la couronne sud, Écourt, Ludre, on a vraiment des petits marchés de Nice, si je puis dire, sur certains produits, ouais, effectivement, où ça se passe encore pas trop mal. Alors, quelle est donc actuellement dans votre portefeuille la durée moyenne lorsqu'on vous confie un bien à la vente? Quelle est la durée moyenne pour que ce bien soit vendu? Les délais de réflexion aujourd'hui sont complètement différents. Période, on va reparler de cette fameuse période Covid où les délais de réflexion pour un potentiel acquéreur, c'était très rapide. Hein, ça se passait du jour au lendemain, si ce n'est même des fois, comme on dit, pour parler vulgairement, sur le capot de la voiture, on avait une offre d'achat. Aujourd'hui, on est retour à des prises de réflexion qui sont un peu plus longues. Si je dois donner vraiment une grosse marge, entre 2 et 3 mois, même en ayant un bien qui soit au prix du marché, si on doit parler de prix de marché, les phases de réflexion sont un peu plus longues, effectivement. Donc c'est l'acquéreur qui retrouve un peu de pouvoir actuellement. L'acquéreur aujourd'hui, ouais, effectivement, est de retour sur le marché et a un peu plus de pouvoir, surtout quand il arrive avec un dossier financier déjà bien ficelé et validé en banque qui a vraiment le pouvoir. Alors vous avez parlé donc de prix du marché. Alors justement, quel est le prix moyen d'un bien immobilier sur Nancy? La question vraiment fatidique, en tout cas que moi personnellement je déteste répondre, parce qu'il y a tellement de particularités. Si on doit prendre un bien qui fait 15 mètres carrés, le prix moyen que je vais vous annoncer de 2 300 euros, si je dois donner un montant, ne sera pas vrai, parce que ça va vraiment dépendre du bien. Mais si on doit y faire en tout cas une grosse moyenne, c'est ça aujourd'hui, 2 300 2 400 euros grand maximum, ça sera déjà bien. C'est vrai que dans la presse on parle souvent de prix moyen qui n'a pas grand sens, dans la mesure où il existe plein de petit micro-marché, une rue finalement, c'est un marché spécifique. Exactement, une rue est complètement un marché spécifique. J'en parlais tout à l'heure en préalable en disant ma maison de la rue Ermite que j'ai actuellement en vente. Voilà, ça c'est des rues qui font partie, des rues de Nancy qui font partie d'un petit marché de niche comme on l'appelle. Et si on va même plus loin sur ces prix au mètre carré, sur un appartement en termes de rentabilité, s'il est loué ou autre, on ne peut pas juste parler d'un prix au mètre carré, c'est trop compliqué. Alors justement, vous avez parlé de rue Ermite, mais est-ce qu'il y a d'autres quartiers qui sont très prisés sur Nancy? Bon, les quartiers de la vieille ville, effectivement, sont historiquement et depuis très longtemps des quartiers qui sont assez prisés, où il y a très peu d'offres, ou alors les offres se font vraiment en interne. On a aussi des quartiers comme le Grand Verger, quartier Grand Verger juste au-dessus de la gare, qui sont assez prisés. Des quartiers Artem qui a eu une très belle évolution ces dernières années, qui a été assez prisé, effectivement. Et donc, il y a eu pas mal de nouveaux quartiers sur Nancy, les Jardins d'Eau. Oui, complètement. Hein, donc là, je suppose qu'il y a beaucoup de nouveaux logements. Il n'y a pas trop de nouveaux logements sur Nancy. On n'a pas de nouveaux logements sur ces quartiers-là parce que déjà, architecturalement, c'était compliqué. Mais en tout cas, il y a de la vraie demande sur ces quartiers. Et aussi Thermal, comme je disais juste en préalable, qui est là avec tous les nouveaux aménagements qui sont assez sympas. Il y a eu vraiment beaucoup de demandes sur ces quartiers-là ces dernières années. D'autant plus qu'avec le post-Covid, on a bien vu l'importance d'avoir des espaces espaces verts, hein, notamment des ouvertures. Donc, je pense que ces quartiers répondent à ce besoin. Bon, après, à Nancy, on est quand même plutôt bien desservi, que ce soit les quartiers, effectivement, Pépinière, le parc Sainte-Marie. On a des vrais besoins. Mais là, sur tous les aménagements, parce que Nancy a été beaucoup en travaux, mais là, les aménagements qui se sont un peu terminés sur ces quartiers-là, ça a vraiment fait du bien pour le marché immobilier, effectivement. Mmh. Et alors, au niveau du Grand Nancy, quelles sont les communes qui sont là aussi les plus prisées? Bah, comme je disais un petit peu avant, Saint-Max, Domartemont, on peut aller pousser jusqu'à un petit peu Essay, même si ça fait un peu loin certainement pour certains clients. Donc Saint-Max, Domartemont, Ludre, Écourt, Roudemont, toute la couronne sud de Nancy, celle-ci est très très prisée et assez demandée déjà depuis de nombreuses années, depuis même mes premiers pas dans l'immobilier, c'était déjà des communes très demandées. Ça n'a pas trop changé, évolué. Très bien. Alors, parmi vos clientèles, vous avez des candidats donc, qui recherchent un bien, d'autres qui veulent effectivement les vendre. Donc, vous signez des mandats de vente pour les clients qui veulent vendre leur bien, mais vous avez aussi des mandats de recherche. Alors, justement, pour un client acquéreur qui recherche un bien. Ouais. Ah, c'est ça. Alors, quelles sont les caractéristiques vraiment d'un bien immobilier qui est recherché par un client acquéreur, par exemple sur Nancy? Bon, le caractéristique numéro un, parce qu'il est aussi demandé en banque, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est devenu vraiment un critère clé. Complètement. C'est vraiment... Encore il y a un an, on n'était encore pas trop dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on l'est vraiment, que ce soit pour de l'investissement ou que ce soit pour de la résidence principale. C'est devenu automatique. Le banquier va toujours demander le diagnostic de performance énergétique. Donc, ce fameux 10 DPE, c'est le premier critère. Après, ça va être forcément le secteur qui va rentrer en compte et le prix. Voilà, c'est vraiment les éléments qui sont essentiels, importants. Après, bon, si on doit rentrer dans les subtilités, les travaux, pas de travaux, la distribution des pièces, mais j'ai envie de dire que dans 90% des cas aujourd'hui, tout le monde s'arrête sur ce fameux DPE. Donc voilà, c'est le critère, ce qu'on appelle la valeur verte. Oui, ah, c'est ça. C'est la valeur verte d'un logement. Alors après, il y a plein de petites subtilités parmi ce DPE. On pourra en faire d'ailleurs une émission à ce sujet-là, parce que je pense qu'il est assez flou aussi pour beaucoup de clients, que ce soit investisseurs ou que ce soit sur de la résidence principale. C'est bien de s'arrêter à une note, mais attention, il faut quand même bien analyser ce document et se faire accompagner par un professionnel, parce qu'il est plein de subtilités et parfois, c'est pas si alarmant que ça. Très bien. Alors, donc, on abordera tout à l'heure les projets d'urbanisme et d'infrastructure donc, sur Nancy, mais on va passer maintenant à la deuxième pause musicale. Alors, c'est un choix tout à fait différent, là. Oui, je suis allé complètement à l'extrême. Oui, tout à fait, complètement à l'extrême. Et donc, vous avez choisi ? C'est Julien Doré, Les Démons de Minuit, qui me donne le moral le matin dans la voiture en allant au bureau. Donc, Les Démons de Minuit, c'est plutôt ma génération, là, les années 80. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les années 80, le groupe Image. Hein, donc, donc, c'est une nouvelle version. Exactement, qui vient de sortir. Voilà, on écoute tout de suite donc Julien Doré. Fantôme de l'ennui, il m'entraîne au bout. bien voilà une version sympathique des Démons de minuit, donc signé Julien Doré. C'était donc votre deuxième coup de cœur. Exactement, sympathique pour ceux qui le veulent bien. Soit on est adepte de l'ancienne version ou la nouvelle. Voilà. Merci pour ce deuxième donc coup de cœur donc musical. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Vous êtes bien donc sur Radio Fadjet, vous écoutez l'Instant Écho et nous accueillons donc Romain Bichotte, agent immobilier sur Nancy pour l'agence 147. C'est moi, tout à fait. Un jeune agent immobilier très sympathique. Merci. On parle effectivement donc des caractéristiques donc du marché immobilier, puis je voudrais parler un petit peu des projets d'urbanisme ou d'infrastructures qui sont susceptibles d'influencer eh bien, la demande sur Nancy ou sur le Grand Nancy. Oui, le plus gros projet effectivement qui est actuellement en cours, c'est le projet de la cité judiciaire rue Oberlin, qui est juste derrière la pépinière pour situer tout le monde après le faubourg des Trois Maisons. Oui, gros projet qui est à horizon 2027, qui je pense aura une grande émulsion, un peu comme on a pu connaître sur le secteur Nancy thermal, où ça devrait bouger au niveau de l'immobilier là-bas. Alors la demande, il faut savoir que dans l'immobilier, on peut acheter un immobilier pour sa résidence principale, mais il y a aussi donc l'investisseur immobilier. Oui, l'investisseur, surtout que Nancy, on est quand même une très grosse ville étudiante où on a beaucoup d'investisseurs qui soient nancéens, qui soient parisiens. On a beaucoup de parisiens, surtout avec les facilités de déplacement, qui sont venus nous solliciter parce qu'on a de très belles opportunités et de très belles rentabilités sur l'investissement immobilier à Nancy. Parce qu'il y avait, on a parlé de la cité judiciaire, mais il y a eu un beau projet qui est Artem. Oui, complètement. Artem, on a un rassemblement de plusieurs écoles supérieures où, effectivement, on a eu beaucoup d'investisseurs externes qui ont eu vent de ce projet parce que l'école est assez réputée et qui sont venus investir sur ces secteurs-là. Voilà, qui a dynamisé le marché immobilier local. Largement, avec beaucoup de commerces qui ont ouvert et des infrastructures qui sont vraiment développées sur ces secteurs. Très bien. Alors moi, j'ai l'impression, depuis une demi-heure, on communique ensemble, et j'ai l'impression que vous êtes un agent immobilier heureux. Oui, du moins, c'est ce que j'essaie de renvoyer comme image et je le suis vraiment, c'est véridique, parce que c'est un métier fabuleux et pour lequel je suis très heureux, très épanoui dans mon métier pour mes clients, pour mes collaborateurs, pour tout le monde et pour moi-même surtout. Parce qu'effectivement, moi j'ai un thème que je privilégie, c'est le bonheur au travail, un thème en économie et j'ai appris qu'il y a très peu finalement de salariés qui se lèvent le matin avec le sourire pour aller travailler et j'ai l'impression que vous... Il n'y a pas de problème. Effectivement, alors peut-être parce que je ne suis pas salarié, non, oui, c'est ça aussi. Mais en tout cas, même mes collaborateurs, je pense qu'ils le sont et qu'ils sont heureux parce que quand on est dans une dynamique qui est assez positive, je pense, et qu'on donne une image et qu'on renvoie une image qui est très positive, dans tous les cas, on a envie de se lever et d'y aller. Alors, quelles sont vos perspectives pour les mois à venir ? Toujours dans cette lignée d'être quelqu'un de très joyeux et très d'objectif, je pense que ça devrait aller. On le ressent déjà depuis plusieurs semaines qu'on traverse un peu ce creux de la vague où ça a été, mine de rien, même en tant que chef d'entreprise, deux années assez difficiles. Mais avec beaucoup d'objectivité, ça va très très bien se passer et nos clients nous le rendent assez bien. Et c'est le principal. Et donc, si on souhaite donc vous retrouver, vous avez donc une agence qui est au 13 rue de la Citadelle pour la vieille ville, donc entre la porte de la CRAF et la porte de la Citadelle. Et je suppose que vous avez également un site internet. Exactement, www.agence147.fr. Parce que je crois que maintenant la clientèle passe beaucoup par internet pour contacter... On a une vraie clientèle aussi de quartier tout de même sur la vieille ville parce que l'agence existe déjà depuis un petit moment, mais effectivement 90% de nos clients sont des clients qui viennent par internet. Très bien. Eh bien, ainsi s'achève cette émission de l'Instant Écho. Merci Romain Bichotte d'avoir accepté cette émission. Merci à vous pour ce bon moment partagé. Merci. En espérant donc effectivement avoir éclairé au mieux les auditeurs sur les dernières tendances du marché immobilier au niveau du Grand Nancy. Alors sachez que si vous avez pris l'émission en cours, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site donc internet de Radio Fadjet. Eh bien, rendez-vous donc le mois prochain donc pour une nouvelle émission de l'Instant Écho. Et n'oubliez pas d'ici là, eh bien, de rester fidèle à Radio Fadjet. Thank you.